Mourir à Harlem, mourir à Harlem, blotti au coin d'une ruelle où les chiens n'ont jamais sommeil, où les enfants crèvent de haine. À Harlem, à Harlem, mourir à Harlem, mourir à Harlem, au paradis des privilèges où l'on assassinait les nègres quand les blancs exaucaient leurs rêves. À Harlem, à Harlem, d'avoir voulu chauffer ses ailes au soleil de Harlem. Mourir à Harlem, mourir à Harlem, dans un paradis d'héroïne, planté devant une vitrine qui ressemblerait à l'exil. À Harlem, à Harlem, mourir à Harlem, mourir à Harlem, d'avoir trop voulu croire au ciel que les blancs peignaient arc-en-ciel avant de quitter le soleil de Harlem, de Harlem. Avec au fond du cœur ce blues noir et rouge de Harlem. Mourir à Harlem, mourir à Harlem, blotti au fond de ce gospel qui ressemble tant à la haine quand il monte du cœur des chapelles de Harlem, de Harlem. Mourir à Harlem, mourir à Harlem, d'avoir eu du sang dans les veines qui soit presque couleur ébène, couleur de souffrance et de peine, presque les couleurs de Harlem. Harlem, thank you.